quatrième temps de notre série dans la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la faim, des famines et des disettes. Aujourd'hui, le débat sur la grande famine en Irlande au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous parlerons de la grande famine irlandaise de 1845-1851 ou 52. On en discutera, un sujet qui fait en tout cas encore discuter les historiennes et les historiens entre eux. Quel était l'état de l'Irlande avant le déclenchement de cette famine? La crise de la pomme de terre a-t-elle été accentuée par des facteurs sociaux, des facteurs culturels, des facteurs politiques? Quel rôle a joué le gouvernement britannique dans cette histoire? En quoi la grande famine a-t-elle poussé les Irlandais à l'exil? Ou encore, comment distinguer la mortalité due à cette famine elle-même, mais aussi à toutes les maladies qui en découlèrent? C'est ce dont on débattra aujourd'hui avec Séverine Yattar, qui a préparé cette série avec nous et qui co-animera l'émission avec moi. Et nos trois invités, Anne-Catherine de Bouvier, elle est maître de conférence à l'Université de Caen, Fabrice Ben-Simon, il est enseignant-chercheur à University College London, et Géraldine Vaughan, elle est maître de conférence à l'Université de Rouen, et elle sera en duplex depuis les studios de Radio France à Rouen, que nous remercions de l'y avoir accueilli. Bonjour Séverine Yattar. Bonjour. Bonjour à vous Géraldine Vaughan. Vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Mais merci d'être avec nous. Bonjour à vous, Anne-Catherine de Bouvier. Bonjour. Et bonjour à vous, Fabrice Ben-Simon. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on va peut-être poser d'abord une ou deux questions au cadre qui nous permettront de nous y retrouver, parce que visiblement, les historiennes et les historiens eux-mêmes ne s'y retrouvent pas toujours dans cette histoire de famine irlandaise. Il y a de grands débats, on les évoquera dans cette émission historiographique et ce débat historiographique du jeudi. D'abord, sur les dates. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette famine? Elle se déclenche, ça on en est à peu près sûr, en 1845? Alors, ce qui se déclenche en 1845, c'est l'arrivée du mildiou, qu'on ne connaît pas. Qui est une maladie de la pomme de terre. Une maladie de la pomme de terre, voilà. Donc, qu'on ne connaît pas, qu'on peine à expliquer, qui touche toute l'Europe du Nord, d'ailleurs. Hein. Il y a eu aussi des épisodes de famine ou alors de disette en Belgique, dans l'Est de la France, au nord de l'Italie, etc. Là où la pomme de terre était le plat de base ou le repas de base des paysans en particulier, mais pas simplement. Voilà, pas simplement. La différence qui se fait, alors pour ce qui est de la famine qui a été définie, telle que ça a été fait dans l'émission de lundi, je crois, comme caractérisée par certains épisodes particuliers, dont une surmortalité, une baisse de la natalité, etc. Là, c'est 1846, pardon. C'est-à-dire, c'est le retour du mildiou de manière beaucoup plus étendue. Alors ça, on se dit, c'est le début, c'est bien. Mais pour la fin, Fabrice Ben-Simon? C'est pas simple, parce qu'à l'époque, les autorités ne comptent pas les victimes de la famine. Il n'y a pas de dénombrement. Et donc, les estimations sur la mortalité et la surmortalité causée par la famine, elles sont en grande partie rétrospectives. Et alors que les contemporains parlaient beaucoup d'une famine en 1847, par exemple... L'année 47. Voilà, par exemple, un des hauts fonctionnaires qui partage une grande responsabilité dans l'absence de secours pour les Irlandais à Londres, publie un ouvrage en 1848 où il parle de la grande famine irlandaise de 1847. Et puis en fait, en regardant les chiffres, on se rend compte que non, la surmortalité se poursuit dans les années qui suivent, y compris sans doute jusqu'au début des années 1850. Parce qu'il s'agit, oui, de définir aussi... La mortalité, elle provient de plusieurs causes, en fait. La cause directe de la famine, de la faim, et puis bien sûr, comme dans tous les cas de famine, ce qu'elle génère, c'est-à-dire souvent des maladies, voilà, le typhus, le choléra. Voilà, etc. Ce qu'on appelle la fièvre, puisqu'on a un peu de mal parfois à faire la différence à l'époque entre ces différentes maladies, et ce qui se propage d'autant plus que le secours en institution se fait dans le cadre des workhouses, donc des asiles de pauvres, qui n'ont jamais été conçus pour accueillir autant de monde et dans ces causes-là, où les autorités elles-mêmes peinent à séparer les malades des personnes simplement affaiblies, quand on n'a pas du mal à identifier les morts des vivants, et donc c'est un terrain de propagation avec une surmortalité dans ces établissements. Alors, surmortalité et surinvestissement, pourrait-on dire, depuis une trentaine d'années maintenant, des historiennes et des historiens sur ce terrain, à l'occasion du 150e anniversaire du déclenchement de cette famine, Fabrice Ben-Simon, qui fait qu'aujourd'hui, on a des multiplications d'explications, des analyses qui sont à la fois économiques, sociales, politiques, culturelles, du déclenchement et du déroulement de cette famine, et qu'on peut dire qu'on en sait beaucoup plus aujourd'hui, même si beaucoup de questions se posent et on les posera pendant ce débat d'aujourd'hui, on en sait beaucoup plus qu'aujourd'hui qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est vrai que depuis les années 1980-90, en particulier, et le 150e de la famine, il y a tout un champ de la recherche qui s'est développé en particulier en Irlande et qui a revisité de très nombreuses questions sur la mortalité, mais aussi sur les politiques publiques qui ont été menées ou n'ont pas été menées, sur les dimensions mémorielles et culturelles de la famine, sur les relations importantes entre la famine et l'immigration irlandaise, qui a été un trait caractéristique du pays pendant plus d'un siècle. Donc en effet, il y a un enrichissement de la documentation. On a trouvé de nouvelles sources, on a convoqué de nouvelles sources et on a offert de nouvelles analyses. C'est vrai. Peut-être avant de revenir à la fin de notre émission sur faire un retour historiographique sur cette histoire-là, il faut peut-être commencer par poser la situation finalement de l'Irlande et par rapport justement à l'Angleterre, peut-être au début du 19e siècle, Anne-Catherine Bouvier, voilà. Alors depuis la situation économique, politique et sociale. C'est très vaste. Alors, au début du 19e siècle, l'Irlande est formellement rattachée à la Grande-Bretagne, ce qui crée la nouvelle instance qu'est le Royaume-Uni, par l'acte d'union qui est voté en 1800 et qui rentre en vigueur au 1er janvier 1801, à la suite de quoi l'Irlande perd son parlement à Dublin en échange d'une représentation à Westminster qui est relativement déséquilibrée puisqu'on a on a 100 députés irlandais sur 600, ce qui ne correspond pas tellement à la distribution de la population, mais qui est quand même une forme de représentation et qui aurait peut-être pu peser. Un contrôle par le château de Dublin, qui est le siège de l'administration, un lord lieutenant ou vice-roi qui garde ses prérogatives du siècle précédent, et une union qui était censée permettre une pacification d'une Irlande agitée de soubresauts. Il y avait deux rébellions très sanglantes en 1798, suivie d'une répression qui avait été largement aussi sanglante que la rébellion, plus un souci d'union commerciale. Enfin, donc l'occasion était trop belle et l'union était passée dans la foulée. Alors, l'union passe en 1801, effectivement, mais il y a des soubresauts jusqu'à cette date de déclenchement de la Grande Famine en 1845, en particulier des récits, des voyages, des regards portés par les Britanniques sur ces Irlandais qu'ils considèrent comme différents d'eux, en tous les cas, Fabrice Messimo, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est vrai que les élites, enfin celles qui produisent la grande masse des sources écrites dont nous disposons aujourd'hui, expriment souvent à l'égard des Irlandais une grande distance, une grande condescendance, un certain nombre de préjugés xénophobes sur le caractère racial ou ethnique, la saleté, la propension au vol, la propension à la violence, l'alcoolisme, l'incapacité des Irlandais à faire fonctionner leur économie et à se gouverner, voire à se nourrir, et ça sera un des gros enjeux de la discussion dans les années 1840. Et donc toutes ces conceptions, jouent un rôle important dans l'attitude du pouvoir, qui est un pouvoir à Londres aristocratique et de la grande bourgeoisie dans les années 1840 vis-à-vis de cette population irlandaise. Et la situation, alors c'est un monde essentiellement rural, l'Irlande, par rapport à une Angleterre qui est en pleine révolution industrielle. C'est essentiellement rural et des travaux économétriques récents corrigent un petit peu le schéma et montrent qu'il y avait eu un début de décollage économique qui est mis à mal par la chute des prix et la crise économique qui s'installe à partir de la fin des guerres napoléoniennes en 1815. Mmh. Et que au début des années 1840, contrairement à ce que beaucoup de récits de voyage disent, répètent et recitent de récits antérieurs, avait en fait un début d'industrialisation, mais bien sûr rien de comparable vis-à-vis de ce qui se passait en Angleterre. Donc une population croissante restait nécessairement sur la terre. Alors une des autres idées reçues que l'on a généralement sur cette grande famine irlandaise et son impact sur la vie de cette région et de ce pays, donc au milieu du 19e siècle, Géraldine Vaughan, c'est d'imaginer qu'elle est la responsable majeure de l'émigration donc des Irlandais hors de leur propre territoire. Alors vous avez travaillé sur cette question. Cette émigration des Irlandais hors d'Irlande commence bien avant, dans les années justement 1820-1830, et elle s'accélère, et on en parlera avec vous un peu plus tard, elle s'accélère avec la Grande Famine, mais elle a déjà commencé à ce moment-là, cette émigration. Elle a commencé depuis même la fin du XVIIIe siècle. Effectivement, elle s'accélère à partir de la fin des guerres napoléoniennes. Le migrant type pré-famine, si vous voulez, c'est un homme jeune, issu soit d'un milieu artisanal qualifié, ou bien le fils d'un fermier relativement aisé. Mmh. Voilà le migrant type. Et il est, dans la majorité des cas, plutôt protestants, d'ailleurs, avant les années de grande famine. Donc, on a une migration déjà solide, bien installée, avec des réseaux qui vont avec, j'imagine. Oui, et des réseaux, alors, en Amérique du Nord, donc au Canada, qui est une colonie britannique, mais également aux États-Unis, qui se sont donc séparés à la fin du XVIIIe siècle. Et tout à fait, on a des réseaux familiaux, des réseaux professionnels, car ces migrants sont des migrants dits indépendants, c'est-à-dire qu'ils émigrent par leurs propres moyens. Voilà, ils ne dépendent pas d'assistance financière. Et ça, c'est de l'ordre de combien de milliers ou de dizaines de milliers de personnes par an pendant ces années 1820-1840, Géraldine Vaughan? Je dirais que si on prend le 18e siècle et jusqu'à la Grande Famine, on a à peu près déjà près d'un million de départs. À ce moment-là? Oui. Jusqu'au moment de la Grande Famine. Oui. Séverine Yatta. Et donc, alors, à Anne-Catherine Louvier, à ce moment-là aussi, l'Angleterre, donc ce Parlement, hein, dominé évidemment par les Anglais, face à une Irlande qu'ils estiment, qui dans la réalité effectivement assez pauvre et rurale, veut revoter une loi, vous allez l'expliquer, justement sur les pauvres comme forme de soutien, mais avec toutes les... Enfin, pas les contradictions et les ambiguïtés dans un système en fait politique, il faut bien le dire, assez libéral hein, à cette époque-là. Très très libéral et un système politique qui stigmatise énormément, qui considère que si les individus sont pauvres, c'est essentiellement de leur responsabilité au premier chef et que c'est à l'individu qu'il appartient de tout faire pour y remédier. Alors on a une approche qui est d'autant plus intéressante pour l'Irlande que les années 1810 sont marquées par une approche sécuritaire. On craint Napoléon, on craint que l'Irlande serve de base arrière. Ah, il faut dire que les Français ont joué un petit rôle dans ces révoltes de 1798 et puis même auparavant. Voilà. Ensuite, on se préoccupe de la question catholique et de l'émancipation catholique. Et ceci étant réglé, dans les années 1830, on s'intéresse à la question de la pauvreté, voire de l'indigence, mais dans le nouveau prisme qui est celui des réformes de la loi sur les pauvres anglaises, qui devient, au moins dans l'esprit, beaucoup plus restrictive. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va appliquer à l'Irlande quelque part, un schéma qui est préconstruit, mais qui n'a pas du tout l'historique anglais qu'il y avait avant, donc qui n'est pas adouci par une pratique qui arrive dans toute sa brutalité théorique. Si avec ces workhouses, voilà, c'est les workhouses, c'est-à-dire c'est des asiles de pauvres. On considère que l'assistance doit être donnée en milieu fermé. Ce sont ces asiles. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas de la subsistance ou des capacités de subsistance pour qu'ils restent chez eux. Voilà. On doit les emmener dans un endroit, voilà, une sorte d'asile de pauvres. Qui doit être le plus désagréable possible pour ne pas les encourager à rester chez eux, ne rien faire. Et donc les forcer à retrouver du travail. Et être sûr que ça va filtrer et que seuls les plus démunis, sauf ceux qui sont vraiment menacés immédiatement, vont y entrer puisque ça sera trop désagréable et que ce sera vraiment le dernier. Il ne faut pas profiter quand même de la charité. De la charité. Fabrice Ben-Simon. Oui, alors on peut ajouter que cette politique à l'égard des pauvres, elle est d'abord éprouvée en quelque sorte en Grande-Bretagne et que politique extrêmement dure vis-à-vis des pauvres, visant notamment à réduire la fiscalité. Qui succède à une politique qui était plus, non pas libérale au point de vue économique, mais plus libérale au point de vue des mœurs, d'une certaine façon, qui auparavant considérait effectivement qu'on pouvait aider quelqu'un et qu'au bout du compte, il pouvait rester chez lui. Et c'est parce qu'on considère que cette politique n'est pas efficace pour la remise au travail en particulier, qu'on va forcer une nouvelle politique sur les pauvres en Grande-Bretagne, qui s'appliquera ensuite en Irlande. C'est cela, Fabrice Benson. Pas efficace pour la remise au travail, coûteuse. Et puis, il y a l'influence du malthusianisme, quand même, qui est dans les années 1830 et patente dans les politiques publiques. Donc, ce qui rend la question un peu, compliquée, c'est que c'est pas seulement une opposition Irlande-Grande-Bretagne, c'est aussi une opposition entre classes sociales. Beaucoup de propriétaires de terres en Irlande sont en fait anglo-irlandais, voire vivent en Angleterre. Et réfléchissent aux politiques à mener vis-à-vis de l'Irlande en fonction de leurs intérêts fonciers. Par exemple, on a plusieurs ministres pendant la Grande Famine qui sont des grands propriétaires terriens et qui se posent les problèmes de cette façon-là. C'est-à-dire que comment augmenter, maximiser leurs intérêts dans une situation de ressources réduites. Mais les Irlandais, quand ils voient arriver la possibilité, ou plutôt la menace d'une loi sur les pauvres, certains d'entre eux disent l'Irlande est trop pauvre pour une loi sur les pauvres, en l'occurrence. Et donc, qui la financera, cette loi sur les pauvres? Qui seront ceux qui donneront de l'argent pour pouvoir permettre l'installation de ces workhouses, etc., etc. C'est trop compliqué pour nous, et malgré tout, ça va se faire, en l'occurrence, Anne-Catherine de Bouvier. Alors ça, c'est un argument qui est clairement un argument d'ordre fiscal, plus qu'une pensée de la pauvreté. C'est-à-dire, nous ne voulons pas payer, puisque bien sûr, toutes ces fiscalités reposent sur des prélèvements locaux. Qui va payer ? C'est difficile, semble-t-il, de taxer des gens qui n'ont déjà pas grand-chose et avec une économie où très peu de numéraires circulent. Donc là, on sait qu'une grosse partie de l'effort va donc reposer sur les fermiers les plus aisés et les propriétaires qui se voient à la tête d'une armée potentielle de 3 millions de personnes réclamant de l'assistance. C'est à ça que les enquêtes officielles estiment le nombre de pauvres, entre 2,5 millions et 3 millions, le nombre d'indigents à temps partiel ou à temps complet. Avant la grande famine, si je puis dire, voilà, à la veille de la grande famine, susceptibles d'avoir recours de manière ponctuelle ou définitive à ce secours. Et donc, ce qui est étrange, c'est que sachant effectivement ce climat qui est au moins un climat de disette dans cette Irlande qui a du mal à survivre économiquement, on ne va pas envisager la phase supplémentaire qui est la phase du désastre. C'est-à-dire que, en gros, on va voter cette loi sur les pauvres en Irlande en 1838, donc 7 ans avant le déclenchement de la Grande Famine, et on ne va pas imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose de pire qu'une disette. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne va pas envisager des moyens supplémentaires qui seraient mis en œuvre dès le déclenchement d'une famine de ce type. Alors, on n'envisage pas de moyens supplémentaires, ça c'est clair. En revanche, on envisage très bien qu'il y ait une phase supplémentaire. Et le rapport de George Nichols, qui a présidé à l'élaboration de cette loi sur les pauvres, dit explicitement que dans l'hypothèse où une famine viendrait à frapper le pays au niveau national, le dispositif qu'il préconise ne serait absolument pas adapté, puisqu'il s'agit d'un système qui prévoit 130 workhouses pour environ 800 à 1000 personnes, c'est-à-dire un dispositif qui, étiré à son maximum, pourrait accueillir 130 000 personnes. Et parallèlement, par rapport à cette situation, le mouvement ou les mouvements favorables à l'abrogation de l'Union, alors je pense au mouvement nationaliste, je pense à un mouvement qui est plus ancien, celui de... Comment s'appelle-t-il ? Daniel O'Connell. Voilà, de O'Connell. Et puis, un jeune mouvement qui va émerger, justement, vers 1841-1842. Alors, politiquement, bien sûr, il y a cette idée de l'abrogation de l'Union, mais est-ce qu'ils interviennent aussi sur la question économique par rapport à cette situation, par exemple, puisqu'on parlait de la loi sur les pauvres ? Anne-Catherine de Bouvier. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quelqu'un comme Daniel O'Connell, qui est le champion de l'émancipation catholique, qui a fait énormément, qui a vraiment contribué à une certaine forme d'éducation politique du pays aussi, c'est aussi quelqu'un qui a fait le choix de miser sur une alliance avec les Whigs. Donc, et qui est aussi propriétaire, qui est aussi qui appartient à cette grande bourgeoisie catholique, qui est aussi concernée financièrement en premier chef. Et donc, il a aussi quelque part ces apories qui vont être celles de la classe politique. Et à partir du moment où on a un gouvernement Whig dans la famine, c'est-à-dire à partir de juin 1846, à partir de là, il est quelque part pieds et poings liés au niveau de la capacité de proposition, puisqu'il a tout misé sur cette alliance avec les Whigs. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. I want to talk about Ireland. Specifically, I want to talk about the famine. About the fact that there never really was one. There was no famine. See, Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables, was shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then, in the middle of all this, they gave us money meant to teach our children Irish. And so we lost our history. And this is what I think is still hurting me. You see, we're like a child that's being battered, has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings. But they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running. And in its worst form becomes actual killing. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. All the lonely people, where do they all come from? An American army regulation says you mustn't kill more than 10% of a nation, because to do so causes permanent psychological damage. It's not permanent, but they didn't know that. Anyway, during the supposed famine, we lost a lot more than 10% of our nation through deaths on land or in ships of emigration. But what finally broke us was not starvation, but its use in the controlling of our education. Schools go on. Famine, un titre de Sinéad O'Connor de 1994 que vous connaissez bien, Fabrice Ben-Simon, parce qu'il s'inscrit dans une longue lignée de chansons qui ont été écrites à partir du 19e siècle et qui toutes évoquent justement cette famine, cette grande famine irlandaise du milieu du 19e siècle. Et donc celle de 1994 de Sinéad O'Connor était presque d'une certaine façon là pour pouvoir rappeler le 150e anniversaire qui interviendrait l'année suivante. Oui, puis il y a une idée politique importante dans cette chanson qui est le fait que la famine n'est pas naturelle, la famine est causée par les Anglais. Ce qui reprend une thèse qui est construite dès la famine elle-même par une fraction des nationalistes, en particulier un auteur qui s'appelle John Mitchell, qui écrit dans les années qui suivent un ouvrage qui a fait école, qui dit grosso modo le mildiou nous a été envoyé par la Providence, mais la famine a été causée par les Anglais. Oui, alors Anne-Catherine de Bouvier, comment se déclenche cette famine irlandaise de 1845-1846? Le mildiou, donc, c'est cette maladie de la pomme de terre. Quand on sait que 4 500 000 environ Irlandais mangeaient, avaient pour plat de base cette même pomme de terre, et qu'ils étaient en Europe parmi ceux qui en mangeaient le plus, au bout du compte, c'est le mildiou qui déclenche ce début de famine, mais cela va être aggravé par d'autres facteurs. Comment ça se passe, Anne-Catherine de Bouvier? Alors, ça se passe, l'épidémie de mildiou qui arrive, enfin la contagion du mildiou qui arrive en 1845 frappe une partie de la récolte. Tout n'est pas détruit, mais on frappe déjà une bonne partie et c'est un premier coup d'alerte. Et comme je le disais, au début, ça frappe aussi, ça arrive dans le reste de l'Europe, ce qui induit une demande supplémentaire pour les céréales partout en Europe et par conséquent un renchérissement du prix de la nourriture sur les marchés avec les effets spéculatifs qu'on peut constater dans ces cas-là. Des politiques publiques sont mises en place en Irlande prudemment par Peel, qui est un bon connaisseur de l'Irlande mais qui ne l'apprécie pas du tout, qui pense que les Irlandais exagèrent comme d'habitude mais qui prend quand même la précaution de faire importer du maïs corné des États-Unis et de faire établir des dépôts de façon non pas à distribuer gratuitement de la nourriture mais de façon à pouvoir quelque part ouvrir les vannes au moment opportun et faire baisser les cours si jamais ça s'enflammait trop. Et c'est ça qui se produit au début de 1846. Mais le mildiou frappe à nouveau en 1846 et cette fois beaucoup plus. détruit les germes qui devaient être replantés, les pommes de terre qui avaient été conservées pour être replantées. En plus, l'hiver de 46-47 est particulièrement froid et des politiques de travaux publics sont mises en place, mais là encore, on se méfie. Alors, politique de travaux publics, il faut dire que c'est quelque chose de récurrent, en Grande-Bretagne en particulier. Dès qu'il y a un moment un peu dur de soudure, eh bien, on va mettre les gens au travail pour construire des infrastructures, des grands travaux, on appellerait ça aujourd'hui. Mais évidemment, les gens sont plus faibles et cela conduit à une surmortalité aussi. D'autant que ces travaux ne doivent pas être des travaux quelque part qui concurrence l'économie productive. Hein, ça, ouais. C'est le débat qu'on a toujours pour le travail institutionnel, workhouses, prisons, etc. Donc, on fait effectivement construire des routes, mais qui n'ont pas nécessairement une grande utilité en tant que axe de circulation. C'est vraiment faire casser des cailloux pour que les gens gagnent leur pain. Et on introduit peu à peu un paiement à la tâche qui s'avère catastrophique dans le contexte de la famine. Et cette mortalité, alors, elle n'est pas forcément homogène dans toute l'Irlande. Hein. J'ai cru comprendre, c'était surtout le sud-ouest qui est extrêmement atteint. Et évidemment, qui va atteindre en priorité les populations les plus fragiles et les plus pauvres. Fabrice Ben-Simon. Oui, la surmortalité, elle est très, très, socialement marquée. Donc, elle touche en effet les régions les plus pauvres de l'Irlande, donc l'Ouest et le Sud-Ouest en particulier. Elle touche les couches les moins lettrées, les plus pauvres, les tout petits paysans, ceux qui ont une parcelle de terre, qui louent une parcelle de terre mais très, très réduite. Et puis, elle touche beaucoup ceux qui sont victimes d'expulsions locatives, parce que la famine est aussi une période d'expulsions locatives massives de dizaines, peut-être de centaines de milliers de cultivateurs qui, ne pouvant plus payer la rente, sont chassés de leurs terres et n'ont plus aucun moyen de subsistance. Alors, Gérard Lindvaughn, vous avez travaillé, je l'ai dit tout à l'heure, sur la question des migrations à partir de cette même Irlande. Il y a quelque chose de contre-intuitif, pourrait-on dire, comme on dit généralement dans votre travail, qui est de dire que ce ne sont pas forcément les régions les plus touchées par la famine qui vont provoquer le plus grand exil. Alors, pouvez-vous nous expliquer d'abord où partent ceux qui partent, ils partent vers quelle destination et surtout avec quels moyens partent-ils, et ça peut peut-être expliquer pourquoi les régions les plus touchées ne sont pas celles qui sont les plus pourvoyeuses en exilés irlandais vers le dehors du pays. C'est l'historien David Fitzpatrick qui écrit, eh bien, les plus pauvres, les plus démunis n'avaient même pas les moyens de partir. Donc, ceux qui peuvent partir, effectivement, ce sont quand même des paysans qui ont un petit peu de moyens, parce que même si votre famille, déjà immigrée aux États-Unis, vous envoie de quoi payer votre voyage, eh bien, il faut encore assurer la subsistance à bord des navires, etc. Donc, les régions les plus durement touchées ne sont pas les régions d'où l'on part le plus. Ensuite, il y a trois choses. Vous avez dit, où partent-ils? Donc, ils vont partir en grande majorité vers les États-Unis. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, ce sont les plus aisés, entre guillemets, qui partiront vers les États-Unis. Parce que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Ce qui coûte moins cher, c'est bien sûr simplement de traverser le Irish Channel, donc de se rendre en Grande-Bretagne. Hein. Mm-hmm. Et donc, on estime qu'à peu près... En Écosse, en Angleterre, ils atterrissent à Liverpool, à Glasgow, au Pays de Galles, où ils vont s'embaucher comme ouvriers sur toute forme de chantier, puisqu'on est quand même en plein boom industriel dans les années 1840. Donc, un tiers à peu près d'entre eux partent vers la Grande-Bretagne. L'idée, souvent, c'est d'aller en Grande-Bretagne et de gagner les moyens de pouvoir quitter la Grande-Bretagne et d'émigrer vers les États-Unis. Mais bien souvent, en fait, ils vont rester en Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne n'accueille pas à bras ouverts ces ouvriers qui sont, pour certains, illettrés. Pour beaucoup, ils sont illettrés. Pour d'autres, ils sont catholiques. Et on voit des manifestations protestations. No Papery, par exemple. Quand on arrive, ces catholiques, on ne veut pas des papistes sur le territoire de la Grande-Bretagne, et des villes comme Liverpool, qui sont des villes en pleine explosion démographique et économique, vont remettre en place des départs de ceux qui viennent d'arriver vers l'Irlande. Ils vont repartir, on va les renvoyer chez eux. En application, vous avez évoqué tout à l'heure la loi des pauvres. Et effectivement, pour les plus démunis d'entre eux qui ne remplissent pas les conditions de résidence, donc quand ils n'ont plus de travail et qu'ils demandent l'assistance publique, eh bien, s'ils n'ont pas résidé depuis un certain temps dans le pays, donc en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, ils sont effectivement renvoyés chez eux, ce qui pose des problèmes à la fois pour l'Irlande qui doit les accueillir à nouveau et pour ceux qui refusent de partir, qui refusent de quitter la Grande-Bretagne. Mmh. Et puis il y a une petite minorité, Géraldine Vaughan, dont le départ va être subventionné. Alors soit par l'État, soit parfois, vous l'expliquez, par des grands propriétaires qui finalement voient comme une opportunité le départ des paysans de leur terre, qui leur permettra ainsi de remembrer, éventuellement de d'opérer une nouvelle organisation, en tous les cas, de l'agriculture dans leur propriété. Mais c'est une minorité, vous l'expliquez bien, hein. Oui. Alors, sur la question tout à l'heure, vous avez évoqué l'action publique et vous avez déjà évoqué différentes phases de l'action publique, c'est-à-dire qu'on peut agir sur la nourriture, on peut agir sur les maisons de labeur, les workhouses, etc., sur les travaux publics. Et le troisième plan de l'action étatique aurait pu être, finalement, l'émigration. Mmh. Et malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, pardon, mais en réalité, l'idéologie libérale de l'époque s'oppose à une trop forte subvention étatique de l'émigration. Donc, on a une contradiction entre la volonté ou le désir de voir partir quand même ces Irlandais qui pèsent sur l'impôt public, sur les taxes, etc., et le fait qu'on ne veut pas trop agir sur les flux migratoires. Donc, on a quelques plans d'action qui vont être mis en place pendant les années de famine, et quelques plans d'action, soit au niveau des gouvernements locaux, soit au niveau étatique, mais c'est assez réduit. On a aussi la possibilité pour certains pauvres enfermés dans les workhouses, il y a certaines subventions qui sont allouées pour financer le voyage. Mmh. Donc certains vont se servir de ce canal-là. Et comme vous venez de l'évoquer, il y a des propriétaires terriens qui profitent de l'occasion, en quelque sorte, pour envoyer le plus pauvre de leurs migrants vers essentiellement à l'époque le Canada, parce que ça coûte moins cher d'envoyer les Irlandais au Canada, car les tarifs de voyage sur les navires partant vers le Canada peuvent être en partie subventionnés par l'État. Mmh. Donc effectivement, c'est un moyen pour certains propriétaires terriens de se débarrasser de petits locataires et ainsi de procéder au remembrement et à la modernisation de leurs terres. On parle dans ces cas-là d'éviction forcée. Oui. Il y a aussi un autre point sur lequel vous insistez beaucoup, Géraldine Vaughan, dans votre travail, donc sur ces questions d'immigration, c'est que, et c'est la vertu des grands moments de recherche comme celui que nous connaissons sur cette grande famine irlandaise depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, depuis la commémoration du 150e anniversaire du déclenchement de la famine, c'est qu'en fait, ça n'est pas la même population qui part à partir du déclenchement de la famine que celle qui est partie auparavant. Vous disiez, avant la famine, ce sont des hommes, beaucoup de protestants. Après la famine, ce sont des femmes, des familles qui peuvent partir. Et vous insistez beaucoup sur ce qui apparaît là aussi comme assez contre-intuitif. Les femmes s'en vont, les familles s'en vont à partir de ce moment-là, et beaucoup vers les États-Unis, et vous expliquez effectivement qu'on passe de 70 000 Irlandais à New York, par exemple, en 1845, à 175 000 à la fin de la Grande Famine. Donc il y a une croissance vraiment très impressionnante du nombre d'Irlandais dans une ville comme New York. En l'espace des 5 à 7 ans, si on prend 1852 comme date de fin de la Grande Famine, on a 1,5 million d'Irlandais qui quittent l'Irlande. Oui. Donc effectivement, le migrant type de l'époque de la famine va légèrement changer par rapport à ceux qui partaient avant. Donc le migrant type n'est plus ce jeune homme relativement aisé qui partait avant. Ce sont effectivement des familles qui partent. Donc les gens sont relativement plus âgés. Mmh. On a des femmes qui partent seules aussi et des enfants qui émigrent avec leurs parents. Donc une émigration plus familiale. Religieusement, on a proportionnellement plus de catholiques qu'avant qui partent. Les catholiques constituent la majorité des partants, puisque les catholiques constituent la majorité des Irlandais en Irlande. Mais effectivement, on voit proportionnellement une diminution du nombre de protestants. Et pour les accueillir, on voit que les États-Unis restent la destination privilégiée pendant ces années de grande famine. Et bien sûr, vous notez, Géraldine Vaughan, le taux de mortalité, évidemment, qui a lieu lors de ces voyages atlantiques, hein, je crois que vous dites en 47. Alors, donc généralement d'ailleurs, les arrivants sont isolés avant de pénétrer dans le pays en question, sur la Dire Islande, ou enfin c'est traditionnellement pour que justement puisse séparer les malades des personnes en bonne santé. Donc il y en a. Il y en a certains qui meurent lors de la traversée, d'autres qui meurent en arrivant, mais pas directement sur le continent désiré, mais sur l'île qui précède le passage dans l'autre pays. Et vous dites par exemple qu'en 47, parmi 97 000 voyageurs, il y en a 5 000 quand même qui vont mourir et être enterrés à Grosse-Île, donc juste avant, ou à Dire Islande, juste avant Boston, d'atteindre Boston. J'ai noté dans la chanson que vous avez diffusée... De Sinéad O'Connor. Voilà, de Sinéad O'Connor, elle mentionne 10% de morts à bord des navires. Alors là, il faut dire qu'il y a quand même une controverse historiographique sur la question. Ah, il y en a beaucoup autour de la grande famine en Irlande. On a cru comprendre. Mais on va rester pour l'instant dans une barque. Et donc, sur la question de la mortalité, finalement, ce qu'a montré l'historiographie ces 20 dernières années, c'est qu'elle est moins élevée. La mort, elle est pas pour autant acceptable, bien sûr, mais elle est moins élevée que ce qu'on avait coutume de présenter et de penser. Mmh. Parce que on a parlé des navires qui transportaient les émigrants à cette époque-là comme des navires cercueil. Oui. On les appelle les coffin ships en anglais. Et donc, finalement, la mortalité à bord, elle est à peu près semblable à la mortalité européenne d'autres migrants européens à la même période. Mmh. Donc, elle n'est pas plus catastrophique en ce sens-là. Mais comme vous l'avez dit, le problème, ce sont les conditions de voyage qui sont extrêmement parfois hasardeuses, où on a une concentration de population à bord de ces navires qui excède parfois la capacité d'accueil de ces navires. Donc effectivement, des contagions, des maladies, des morts pendant le voyage et à l'arrivée dans les centres de rétention en fait des populations. Vous avez mentionné Grosse-Île pour Québec, Deer Island à Boston, Ellis Island à New York. Donc on a effectivement, aujourd'hui encore, à Grosse-Île, on a 5000 tombes qui datent quasiment toutes de l'année 1847, de tous ces migrants, femmes, hommes, enfants, qui sont morts à l'arrivée ou qui étaient déjà morts à bord. Qu'est-ce qu'on peut dire, on va pas faire de what if history, mais qu'est-ce qu'on peut dire, Fabrice Bensimon et Anne-Catherine de Bouvier, de ce qu'il aurait fallu faire? Sait-on ce qu'on aurait pu faire pour pouvoir limiter d'abord la propagation de cette famine, le fait qu'elle dure aussi longtemps, parce que c'est tout de même 5, 6, 7 ans, c'est très très long pour des questions de famine, et que rien n'a permis de l'enrayer avant 1851 en 1852, Fabrice Bensimon. Ce qui est frappant, c'est que la famine néerlandaise, c'est la plus grave famine européenne du 19e siècle. Il y en aura une en Finlande, plus tard, et puis une autre en Algérie, mais ça c'est dans notre colonie. Famine européenne, oui. Oui, dans notre colonie. Donc, en Inde, en Chine, après il y a d'autres très grandes famines, mais en mortalité, 12% de la population tuée par la famine irlandaise, c'est colossal. Pour donner un ordre de grandeur. C'est quoi, c'est un million de personnes? Au moins un million de personnes. Plus 1 500 000 personnes qui quittent le pays. Voilà. Mais un million de personnes. Donc 12%, c'est par exemple, pour comparer, c'est trois fois plus que la mortalité pendant la Première Guerre mondiale en France. C'est colossal. Et cela a lieu au sein de l'État qui est le plus riche d'Europe, qui est même le plus riche du monde. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est le seul pays engagé réellement dans la révolution industrielle dans les années 1840. Et quand on regarde, comme l'ont fait notamment des historiens économiques irlandais, ce qui a été dépensé par l'État britannique pour soulager cette famine, ce sont des sommes qui sont faibles. Je crois qu'on est en environ 7 à 10 millions de livres. Pour donner un autre point de comparaison, 10 ans avant, l'État britannique avait aboli l'esclavage dans ses colonies et avait versé 20 millions de livres aux propriétaires d'esclaves. 10 ans après, il dépense plus de 50 millions de livres pour la guerre en Crimée. Donc ce sont des sommes extrêmement faibles. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Il y a toute une politique de charité, d'assistance, d'émigration qui aurait pu être organisée, qui ne l'a pas été. Oui, Anne-Catherine de Bouvier. Alors c'est difficile de voir ce qui aurait pu être fait, bien sûr, en général, et c'est difficile si on se replace dans le paradigme qui est celui de l'époque, c'est-à-dire cette économie libérale. En 1846, c'est l'abrogation des lois sur les céréales qui permettent de réguler les prix. On croit dans les vertus du marché, on croit dans les vertus de la main invisible. Alors ceci étant, ce qui fait qu'on assiste à ce paradoxe qui a déclenché aussi énormément d'amertume, c'est que l'Irlande envoie beaucoup de produits agricoles, de l'avoine, du blé, du bétail, à l'Angleterre pour le marché anglais. Alors après, si on avait interdit l'exportation, on a affaire à une population qui n'aurait pas pu se payer le blé et a fortiori la viande. Alors après, il faut effectivement envisager peut-être des mesures de réquisition. Alors, mais ça, je ne crois pas que ça ait été envisageable et je ne crois pas que même à l'heure actuelle, on saurait ce qu'il faut faire pour sauver un tiers de la population si celle-ci était mise en péril immédiatement par une défaillance alimentaire. Alors, est-ce qu'il y a sursaut, puisqu'on a expliqué depuis le début de cette émission qu'il y a eu des tentatives, des volontés d'indépendance, de rompre le pacte avec la Grande-Bretagne depuis la fin du XVIIIe siècle et même bien avant d'ailleurs, et pendant toute la première moitié du XIXe siècle. Qu'en est-il justement de l'impact de cette famine sur les volontés indépendantistes? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Anne-Catherine de Bouvier? Alors, beaucoup de choses se cristallisent au moment de l'année 1847, qui est vraiment qu'on appelle Black 47 en anglais, l'année noire de la famine, avec une augmentation de la mortalité, de la morbidité, de l'émigration. Enfin, tous les indicateurs passent du rouge au cramoisi et au noir. Et à l'intérieur de ce groupe que vous aviez évoqué en tout début d'émission, le groupe de la Jeune Irlande, il y a une aile qui, peu à peu, vient penser qu'il n'y a rien à attendre du gouvernement britannique, qu'il faut une abrogation, mais pas théoriquement un jour, mais là, maintenant, tout de suite. Et on a une partie de ce mouvement qui se radicalise. Alors ça crée pas mal de tensions dans ce mouvement, avec différentes structures qui sont créées, qui se retrouvent, qui font des scissions, des réconciliations, et tout cela culmine à la fin juillet 1848. Par un soulèvement. Un soulèvement manqué. William Smith O'Brien. Voilà, qui était tout sauf un chef militaire et qui était un rebelle à contre-cœur, puisque ça a longtemps été le plus conservateur des membres de la Jeune Irlande. Fabrice Ben-Simon, sur ce moment justement de cristallisation, mais même ce désespoir, pourrait-on dire, qui fait qu'on n'arrive pas à s'unir contre la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces années 1848 en particulier, en plein cœur de la grande famine en Irlande et de ses velléités d'indépendance? Oui, alors disons que le courant incarné par O'Connell lui-même est toujours dans une stratégie de collaboration avec le pouvoir libéral britannique. Donc il est très, impuissant en quelque sorte à organiser toute résistance. Contre ce pouvoir. La fraction qu'on vient d'évoquer, c'est une fraction quand même minoritaire qui est surtout dans les villes, dans les milieux lettrés et qui n'a pas vraiment de poids dans la grande masse de la population. La grande masse de la population, elle est assommée, elle est écrasée par cette catastrophe. Et chez les exilés, en l'occurrence, Géraldine Vaughan, j'ai cru comprendre en vous lisant que à New York, on va fonder, juste après la grande famine, l'Irish Republican Brotherhood, qui va donc imaginer ou penser, en tous les cas, une sorte d'armée secrète qui organisera des attentats à partir des années 1860. C'est lié directement à cet exil et à la grande famine, en l'occurrence, cette prise de conscience, Géraldine Vaughan? Vous touchez là à la dimension internationale de la grande famine. Dimension internationale par cette émigration, mais aussi dimension internationale par l'aide qui est apportée à cette époque-là à ceux qui sont restés en Irlande. Donc il y a une aide financière, une aide matérielle, on ne l'a pas encore évoquée, mais également une aide politique. Donc oui, ces années de grande famine vont aussi renforcer le courant nationaliste aux États-Unis, au Canada, plus tard en Australie, et la fondation de ce mouvement républicain séparatiste, et ce qu'on appelle plus tard les Fenians, the Irish Republican Brotherhood. Donc effectivement, ces années de grande famine viennent renforcer cette dimension internationale de la question politique irlandaise. Séverine Yatta. En tout état de cause, cette famine va devenir un peu le point de dénonciation du mouvement nationaliste irlandais. On a déjà évoqué la figure de John Mitchell, donc ce fameux républicain qui va publier, alors en 54, son jail journal. C'est Le jail journal, c'est en 1954, où là, il ne cesse de dénoncer justement cette domination britannique et la responsabilité du gouvernement dans alors il parle de génocide enfin dans on dans, pas, d'une, le, non, on peut le, pas en parler mais de destruction volontaire enfin d'une politique volontaire de d'élimination de la population irlandaise voilà. Anne-Catherine de Bouvier. Voilà, ce qui répond aussi à beaucoup d'autosatisfaction de la part du gouvernement, puisque nous avons évoqué tout à l'heure Trevelyan, donc l'un des principaux fonctionnaires du Trésor, qui lui, en 1848, écrit que la famine est terminée, que le gouvernement s'en est très bien tiré, et qui, avant, avait fait partie de ces voix qui avaient relayé le plus fortement la thèse selon laquelle le mildiou était d'origine divine pour permettre cette restructuration agricole dont l'Irlande avait besoin. C'était les sept plaies d'Égypte. Alors, c'était pas les sept plaies d'Égypte. Ça, c'est un argument qui a été pris par les nationalistes à certaines reprises, puisque justement, dans le cas des sept plaies d'Égypte, c'est envoyé à Pharaon, puisqu'il refuse de laisser partir le peuple d'Israël. Non, c'est plutôt l'image du déluge qu'on a dans les références bibliques, c'est-à-dire une destruction massive qui a pour but la fondation d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, donc là, l'avènement d'un ordre nouveau. Fabrice Ben-Simon, on voit que ces discours qui s'établissent dans les années du milieu du 19e siècle, tout de suite après la grande famine, vont perdurer dans les relations très tendues qu'il peut y avoir entre l'Irlande et la Grande-Bretagne et le gouvernement britannique, vont perdurer jusqu'à, effectivement, que ce terme de génocide soit prononcé au moment du 150e anniversaire et même très récemment par soit des responsables politiques, soit des historiens qui disent effectivement on a mis en place un génocide contre l'Irlande à ce moment-là et c'est le gouvernement britannique qui l'a fait. Oui, alors il n'y a pas de... Comment dire, la volonté britannique d'exterminer les Irlandais n'est pas documentée. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de note gouvernementale dans ce sens. En revanche, il y a une série de décisions qui sont prises à Londres qui ont des conséquences catastrophiques, dramatiques, qui sont des décisions prises en connaissance de cause. Quand on interrompt, par exemple, les soupes populaires, comme c'est le cas en 1847, on sait que ça va se traduire forcément par le fait qu'un certain nombre de gens ne pourront plus manger. Quand on refuse de financer tel ou tel projet d'assistance, on le sait également. Et ces décisions, elles sont prises, en effet, sur fond de conception malthusienne, de conception xénophobe vis-à-vis des Irlandais, de conception considérée comme des indolents, libérale, tout à fait, providentialiste, c'est-à-dire voilà, on attribue à la providence un rôle qu'il ne faut pas contrer, et puis de conception de classe vis-à-vis des pauvres. Et ça, c'est quand même aussi important. Il ne faut pas aider les pauvres à se nourrir si l'économie elle-même ne le leur permet pas. Et puis alors il y a un mouvement historique hein, qui va contrer, hein, qui va s'opposer à cette interprétation entre guillemets nationaliste de la grande famine. C'est ce que vous appelez le mouvement révisionniste, qui émerge un peu plus tard, il semblerait, même si il y a des rapports qui sont faits évidemment via certains officiers du gouvernement britannique hein, sur cette question. Mais le mouvement historiographique, en tout cas, naît plutôt dans les années 1930. C'est un mouvement qui naît à la faveur de la fondation de l'Irish Historical Review, et on est dans un contexte où l'Irlande est indépendante, où le jeune État libre met donc en place tout un tas de politiques, et notamment des instructions officielles sur l'enseignement de l'histoire, hein, qui insiste clairement sur ce récit national, qui est un récit victimaire et téléologique, qui tend à la libération finale, à la séparation et à l'avènement d'une Irlande indépendante, prospère et glorieuse. Et cette école historiographique cherche en fait à sortir de ce récit que j'ai tendance parfois à surnommer un peu le catéchisme républicain pour revenir à quelque chose de plus proche des sources. Et ce faisant, j'allais dire, il s'égare un petit peu en sens inverse à vouloir rendre à nuancer le jugement. Et ce faisant, à minorer aussi le nombre de morts, par exemple. Ça reste énorme, mais quand on dit 800 000 au lieu d'un million, ça veut dire quelque chose, et ça peut être ressenti comme une insulte. Donc c'est un effort, j'allais dire, un excès de zèle dans le sens d'un retour aux sources, qui conduit à cette interprétation qui elle-même est une interprétation dure en réponse à une autre interprétation dure. Oui, Fabrice Ben-Simon, on peut dire que ces querelles d'interprétation sont des querelles qui sont encore extrêmement vivantes. On l'a entendu dans des chansons, il y en a bien d'autres qu'on aurait pu sortir à cette occasion-là, qui reprennent justement ces querelles d'interprétation entre Irlandais et Britanniques sur la grande famine en Irlande du milieu du 19e siècle. Oui, et puis qui partagent, alors c'est plus seulement entre Irlandais et Britanniques, qui partagent des historiens irlandais entre eux, qui opposent des historiens les uns aux autres, et pas seulement irlandais, des historiens de différentes nationalités, mais opposés sur, en effet, des enjeux historiographiques comme ceux qu'on a évoqués. Ouais. Mais en tous les cas, le récit de cette famine... je pense à un récit dont vous parlez qui a été traduit mais qui en fait serait d'après un témoin de l'époque mais qui en fait est un faux, remporte toujours un succès étonnant. Ce récit de traditionnel classique hein, comme vous dites Anne-Catherine de Bouvier. C'est sûr que dès qu'on est dans le registre du récit, du vécu, de l'émotion, ça parle beaucoup plus et ça rencontre surtout un lectorat plus large et ça peut aussi contribuer à une définition identitaire chez cette diaspora irlandaise qui parfois se croient à tort descendants des migrants de la famine. Une dernière remarque, Géraldine Vaughan, très brièvement, que nous terminons l'émission. Oui, juste pour dire, donc vous avez présenté l'historiographie nationaliste, la révisionniste, dire qu'aujourd'hui il y a un courant dit post-révisionniste qui émerge, et je voudrais juste citer l'historien Peter Gray, qui parle lui de négligence coupable de la part des autorités britanniques. Donc il y a aussi des tentatives de conciliation des deux points de vue qui émergent dans l'historiographie plus récente. Merci, on a compris qu'on aurait pu passer presque une semaine d'émission sur cette question de la grande famine en Irlande, tant cette question historique et historiographique est très riche, on vous remercie. Vous avez écrit Fabrice Ben-Simon avec Laurent Colantonio aux éditions PUF, Presse Universitaire de France, et également avec le soutien du CNED, La Grande Famille en Irlande. La Grande Famille en Irlande, c'est aussi le titre d'un livre collectif de Yann Bévan aux Presses Universitaires de Rennes, Histoire et représentation d'un désastre, un désastre humanitaire. Et vous avez coordonné avec Christophe Gillissen, Anne-Catherine de Bouvier, La Grande Famille en Irlande, qui est un numéro de 2014 de la Revue française de civilisation britannique. Et pour vous lire, Géraldine Vaughan, on peut vous lire comment ? Si vous lisez l'anglais. Sinon, en français, il y a un article là-dedans. Il y a aussi un article dans l'Histoire qui est paru il y a un ou deux ans, je crois. Merci à vous, Géraldine Vaughan. Merci à vous, Anne-Catherine de Bouvier. Et merci également à Fabrice Ben-Simon. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Bruno Gagnère-Fontanille était aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette série d'émissions sur l'histoire de la faim, de la famine, des disettes, donc qui a été coordonnée et préparée par Séverine Yattard, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture, dont franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter c'est FabriqueFC, et demain, eh bien demain, vendredi, nous diffuserons le forum que nous avons enregistré samedi avec bien d'autres émissions de savoir et de connaissances de France Culture autour des révolutions de l'intelligence et nous nous poserons la question de savoir si l'intelligence a une histoire.